Les Lions Rouges par Gabriel D'Annunzio, chapitre 1er. Quand la rafale apporta la première clameur confuse de la révolte, Don Filippo Cassera souleva péniblement les paupières qui jamais ne cessaient de lui peser sur les yeux, enflammées au bord et renversées comme celles des pilotes qui naviguent sur les mers venteuses. « As-tu entendu ? » demanda-t-il à Mazzagrogna qui se tenait près de lui, et le tremblement de sa voix trahissait sa frayeur. Le majordome répondit en souriant de toutes ses dents de carnassier. « N'ayez aucune crainte, Excellence. Aujourd'hui, c'est la Saint-Pierre. Les moissonneurs font godaille. » Le vieillard resta un petit temps à écouter, appuyé sur le coude, le regard vers les balcons. Les rideaux ondoyaient au souffle chaud du carbin. Les hirondelles, transperçant l'air torride, semblaient s'allumer comme des phalariques décochées. Tous les toits des maisons en bas flamboyaient, les uns rougeâtres, les autres gris. Au-delà s'étendait la campagne immense et opulente, presque toute d'or, déjà entamée par la faucille. De nouveau, le vieillard demanda « Mais, Giovanni, as-tu entendu ?» Par intervalles, des clameurs survenaient, de longs hurlements, qui ne semblaient pas d'allégresse. Le vent tour à tour les renforçait, les éteignait, les mêlait à ses voix fugaces. « N'y faites pas attention, Excellence, » répondit Mazzagrogna. « Vos oreilles vont tromper, restez tranquille. » Et il se leva pour aller vers un des balcons. C'était un homme trapu, aux jambes arquées, aux mains énormes, poilu, bestial. Il avait des yeux un peu louches, blanchâtres comme ceux des albinos, toute la figure parsemée de taches de rousseur, et ses rares cheveux roux ne lui couvraient pas sur l'os de la nuque certaines excroissances dures et brunes en forme de châtaigne. Il resta debout quelque temps entre les deux rideaux qui se gonflaient comme deux voiles et aspecta l'étendue au-dessous de lui. Une dense poussière s'élevait sur la route de la Fara, comme au passage de nombreux troupeaux, et les tourbillons, chassés par le vent, croissaient en forme de trombes. De temps en temps, on y voyait passer des éclairs comme s'ils cachaient une foule armée. « Eh bien ?» demanda Don Filippo inquiet. « Rien !» répondit Mazzagrogna, mais ses sourcils étaient profondément foncés. De nouveau, le souffle impétueux apporta un tumulte de cris lointains. Un des rideaux, échappé à son embrasse, se mit à battre et à claquer dans l'air comme un gonfalon déployé. Une porte se ferma tout à coup violemment. Les vitres en tremblèrent. Des papiers accumulés sur une table s'éparpillèrent dans toute la chambre. « Ferme, ferme !» cria le vieillard, saisi de terreur. « Mon fils, où est-il » Il haletait sur le lit, étouffé par la graisse, incapable de se lever, car il avait toute la partie inférieure du corps paralysée. Un continuel tremblement lui agitait les muscles du cou, les coudes, les genoux. Ses mains tremblaient sur le drap, tordues et noueuses comme les racines découvertes des oliviers. Une sueur abondante dégouttait de son front et de son crâne chauve sur sa large face, qui était rosâtre et toute veinée de rouge comme la rate des bœufs. « Diable !» murmura entre ses dents Mazzagrogna, en fermant les croisées de vive force. « Font-ils pour de vrai ?» Maintenant, on découvrait sur la route de la Fara, aux premières maisons, une multitude semblable à un refoulement de flots, qui donnait indice d'une autre plus grande multitude invisible, cachée par la ligne des toits et par les chaînes de Saint-Cy. La légion auxiliaire des campagnes venait donc grossir la révolte. Peu à peu, la foule diminuait, s'enfonçant dans les rues du bourg, disparaissant comme un peuple de fourmis dans les labyrinthes d'une fourmilière. Les cris, étouffés ou répercutés par les murs, arrivaient maintenant comme une rumeur marine. Parfois, il y avait des silences. Et alors on entendait le bruissement des antiques êtres devant le palais qui en paraissait plus seul. « Où est mon fils ?» demanda de nouveau le vieillard d'une voix que la frayeur rendait plus stridente. « Appelle-le, je veux le voir !» Il tremblait sur son lit, non seulement de son mal, mais aussi de son épouvante. Au premier mouvement séditieux de la veille, au cri d'une centaine de gueux venus pour s'égosiller sous les balcons, contre la plus récente vexation du duc d'Ofena, il avait été pris d'une peur telle qu'il avait pleuré comme une femmelette et passé la nuit en invoquant tous les saints du paradis. La pensée de la mort ou du danger donnait une folle terreur à ce vieux paralytique, déjà à demi éteint, chez qui les derniers sursauts de la vie étaient si douloureux. Il ne voulait pas mourir. « Luigi, Luigi !» se mit-il à crier dans l'angoisse en appelant son fils. Tout le palais était rempli du tintement des vitres au coup de vent. De temps en temps, on entendait le fracas d'une porte battante, on entendait des pas précipités, des voix brèves. « Luigi !»